pas, bon, je reste la caméra alors. Oh, tu fais pas gaffe. J'ai une sale tronche. Ces changements de. Alors, je vais utiliser ça, ça que tu veux. Tu m'as dit. Attends, fais voir là. Ça. Merde. D'un côté. Et avec ça, c'est ça. Il a 4 sorties. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait tout ça? Ça va me permettre de faire un peu du ménage. Aigu ces chansons. When a man, oh non, oh non, non, non, non, non. J'ai une voix nasillarde, putain. Vas-y, Sharon. Ça me fait drôle de t'appeler Sharon. Moi, tu peux m'appeler Benjamin. De toute façon, au pire, ça va sortir en mono, hein. Et DB, toi qui t'y connais en clavier, ah, un message. Mon synthé, eh ben, j'ai bousillé le bender. Enfin, j'ai bousillé, j'ai pas fait exprès. Il marche plus. Et j'ai pas réussi à le démonter, le synthé. Il y a des vis, il y a au moins derrière, il y a au moins 20 vis là. Ça va me coûter cher si je fais réparer. Bon, j'essaye. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas, hein, le clavier. Quand je mets ça, la triplette, ça marche pas. Thank you. c'est vrai qu'il faut être patient. J'ai fait fort, moi. J'ai acheté un petit synthé contrôleur. Je l'ai acheté mardi et je l'ai vendu aujourd'hui. Donc, ça fait mercredi. Ça m'a saoulé, quoi. Impossible d'installer un pilote. Ça m'a gavé. Je l'ai vendu direct. Heureusement qu'il y a eBay. Bon, attends. Ah voilà. Tu m'entends Ben ou pas ? Ouais, impeccable. Je t'entends, nickel. Tu m'entends Ben ? Oui. Ah mais c'est parce qu'on est en BPI 32, c'est pour ça qu'il y a vachement de délai, hein, c'est ça ? Attends, ah merde, je voulais tester juste pour la conversation en BPI 4, ça va plus vite, mais après, bon, excusez-moi, hein, je fous le bordel, moi, comme d'habitude. C'est pour la conversation que j'ai essayé en 4. Là, tu m'entends ? Moi, je t'entends, hein, je t'ai entendu tout à l'heure. Ça devrait aller mieux. Il y aura moins de délai. Ouais, je t'entends, je t'entends. Voilà. Ouais. Tu m'entends ? Je t'entends. Alors, je sais pas quand est-ce que tu vas m'entendre, mais il faut que tu aies tes deux entrées qui rentrent dans Reaper. Même si elles sont en mono, Reaper va pouvoir te les mixer et tu auras du stéréo à la sortie. Je vais enlever la batterie parce que... Alors, tu me dis OK quand t'as entendu la phrase. Écoute, hein. Oui, ok. C'est bon, je t'ai entendu. Je t'ai mis en solo comme ça. Ah, je te disais, donc il faut que tu rentres en mono dans Reaper. Si tu as deux entrées mono, Reaper va te les mettre en stéréo derrière. Oui. Essaye de voir dans Reaper si tu arrives à voir combien d'entrées réelles tu as effectivement. Donc dans Reaper, tu vas dans la partie paramètres. Dans Reaper, tu vas essayer de voir les nombres d'entrées. Alors, quand je vais dans les parties paramètres, c'est mon micro. Tu vas savoir exactement combien d'entrées tu as dans ta carte. Parce que là, il y a plein de. Ouais, c'est normal. Essaye de voir maintenant dans ta carte combien tu as d'entrées. Tu as deux entrées sur le... Je t'ai répondu. Alors j'en ai deux, je t'ai répondu, ouais, je crois que c'est ça. Il y a marqué deux. Ouais, oui. Et c'est vrai que quand j'utilisais l'autre carte son, ça marquait de 1 à 4. Alors que là, ça met de 1 à 2. T'en as que deux. Donc tu pourras pas avoir ton micro en même temps. C'est ça, là, t'as que deux entrées. Donc le seul moyen, effectivement, c'est que tu puisses brancher éventuellement ton micro sur le synthé. Et là, je viens de faire ce que tu m'as dit avec la... Et après, il n'y aura pas de problème, tu peux sortir en stéréo. Comme tu as deux entrées, dans tous les cas, il sera stéréo si la sortie est stéréo. Tu ouvres une piste, tu la mets effectivement en stéréo. après. Là, je viens d'essayer ce que tu m'as dit avec la voix 1 et 2, et donc tu vas être installé au. Marche. Je suis parti un instant, j'ai pas suivi. Tu en es où là? Ah, tu m'entends? Ouais, parce que tu as peut-être la possibilité de modifier ton micro. Ouais, moi je t'entends. T'es pas branché correctement là. T'as ton micro qui est effectivement sur la deux pistes de stéréo audio. La piste audio elle peut être comme mono. Donc l'autre solution c'est de prendre une mixette. Tu prends un petit mixeur et attention, tu branches en stéréo dans ton dans ta carte. Comme ça t'auras les entrées de ton mixeur autant que tu veux, autant qu'il y en a dans le mixeur en tout cas. Merci. monsieur. T'es là, Sharon? Elle est partie, la bassiste.